إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 20 dans l'explication du livre كشف الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية et c'est le livre du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. C'est un livre qui récite les arguments des Hizbiyyins qui veulent défendre la démocratie. Donc, au dernier cours, on terminait par le point où le Cheikh explique que il y a certains parmi les Hizbiyyins qui utilisent comme argument l'idée que les élections et la démocratie, ça fait partie des questions qui ont rapport avec l'ijtihad et les choses de ce genre. L'ijtihad, c'est-à-dire de faire des efforts pour arriver à connaître la vérité, d'appliquer les jugements et les règles de la charia en se basant sur des règles et des principes d'analogie et d'autres genres de principes de ce genre, donc qui sont connus dans les principes de usul al-fiqh, ainsi de suite. Donc, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent que certains parmi des ulama, bien entendu, ceux qui, comme le chef il va l'expliquer plus tard, les hizbiyyin, on sait que la plupart d'entre eux n'ont pas du tout de respect pour les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a et les grands imams d'Ahl Sunnah, que ce soit le chef Ibn Baz ou le chef Ibn Uthaymeen ou le chef Al-Albani et d'autres parmi eux, ils n'ont pas de respect pour eux. Et ils les traitent de toutes sortes de termes, de noms pour les dénigrer, pour les rabaisser. Soit qu'ils vont dire qu'ils sont des murji'a, soit qu'ils vont dire que ce sont des savants qui suivent les dirigeants ou qui obéissent aux dirigeants, pour essayer de les dénigrer en disant ça, qu'ils sont des agents du gouvernement ou des choses comme ça, ou bien qu'ils sont des savants qui ne connaissent rien d'autre que les seins des femmes, c'est-à-dire les règles et les menstruations et les écoulements, ainsi de suite. Donc, ils dénigrent les savants avec ces genres d'appellations, et ils vont les appeler par toutes sortes de ces termes-là. Puis, par la suite, quand ils veulent essayer de défendre une position et qu'ils trouvent dans une fatwa d'un des ulama de Ahl Sunnat wal Jama'a, ils trouvent une fatwa qui correspond à ce que leur passion recherche, là tout d'un coup, ils vont agir comme si ils acceptent les fatwas de ce cheikh. Et bien entendu, c'est seulement parce que c'est en accord avec sa passion. Et donc, comme le cheikh l'a expliqué au dernier cours, tout savant peut se tromper dans son ijtihad. Et que lorsqu'un savant fait une ijtihad et qu'il se trompe dans son ijtihad, on n'a pas le droit de le suivre dans cette erreur-là. Et là, le cheikh maintenant, il va expliquer que il y a deux positions parmi les positions des gens il y a deux positions par rapport à l'attitude que les gens ont envers les savants de l'islam. Deux positions qui sont des positions extrêmes. La position des haddadiyyin et la position des sururiyyin et des qutbiyyin. Donc ça, c'est deux positions opposés et extrêmes. Donc le cheikh il va donner des exemples pour expliquer les extrêmes des deux côtés. Al-Haddadiyoun, c'est des gens extrémistes qui, lorsqu'ils trouvent un savant d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a qui est salafi et qui tombe dans une erreur dans une question de aqidah, et qui, par exemple, il vient dans une question de manhaj, et il trouve qu'il a fait une erreur, mais cette erreur-là est basée sur une ijtihad, hein, et il s'est trompé dans son ijtihad, donc il le rabaisse complètement, et il ne lui donne aucune crédibilité et aucun respect, hein, il le traite comme si c'était un égaré et un mubtadi'. Donc ils n'ont aucune miséricorde et aucune pitié pour les savants d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et ils les rabaissent. Tandis qu'il y a à l'autre extrême de ça, il y a les sururis. Et eux les sururis, qu'est-ce qu'ils font? C'est que yani, les gens de bid'a qui sont connus pour des bid'a et des égarements, ils les respectent et ils les élèvent et ils les traitent comme si c'était des imams de l'islam et des savants de la Ummah. Hein, tandis que les savants des salafis, les savants des ulama des salafiyins, ils n'ont aucun respect pour eux, ils les rabaissent et ils les insultent, hein, par toutes sortes de termes que j'ai mentionnés au début. Donc ça c'est deux exemples, hein, ceux qui rabaissent les ulama d'Ahl al-Sunnah et les mubtadi'a ensemble, ils les mettent dans la même catégorie, et par la suite il y a les sururiyins qui, eux, élèvent les ulama des mubtadi'a, ou élèvent les mubtadi'a et rabaissent les ulama et qui se disent salafis. Donc les deux, le pire dans ces deux groupes extrémistes-là, c'est que les deux prétendent ou essaient de dire qu'ils sont des salafis. Donc, Al-Haddadiyoun, il y a une note en bas de page qui dit Al-Haddadiyoun, firqatun zaharat mu'akharan, wa يتزعمها محمود الحداد المصري وقد رد عليه شيخنا المدخلي في كتابه مجازفات الحداد وقد وكذا شيخنا محمد أمان الجامي في بعض أشرطته. Donc le cheikh il dit que الحداديون c'est un groupe qui est apparu dernièrement et à la tête de ce groupe là il y a محمود الحداد المصري, c'est un égyptien qui s'appelle محمود Al-Haddad. Et le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il l'a réfuté dans un livre qu'il a intitulé Mujazafat al-Haddad. Et également le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, yani rahimahullah, il a fait une réfutation de lui dans ses cassettes, dans certaines de ses cassettes. Toutefois, il y a maintenant en ce moment un autre, d'autres personnes qui, qui ont pris le flambeau de la Haddadiyya, hein, parmi les gens d'égarement dans le monde musulman actuellement, il y a celui qu'on appelle Salih al-Harbi, hein, qui est maintenant celui qui est à la tête des Haddadiyya, et lui il n'a pas de pitié contre personne, sa langue n'a pas épargné aucun des ulama d'Ahl al-Sunnah, et il critique et il attaque tous les savants d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Donc ça c'est celui-là. Puis malheureusement, ils font beaucoup de fitna dans le monde musulman. Donc on va commencer à lire les points que le cheikh a mentionnés au sujet des Haddadiyya et les paroles des ulama pour réfuter leur point de vue et leur position. Le cheikh il dit فالحدديون نصبوا أنفسهم للطعن في أئمة الإسلام من أهل العلم المعروفين بالدعوة إلى السنة حديثا وقديما لخطأ قد يصدر منهم هم فيه مجتهدون لا يعدوهم الأجر. قال الذهبي نحب السنة وأهلها ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ. Le cheikh il commence en expliquant que les Haddadiyoun, ils se sont établis eux-mêmes et se sont placés eux-mêmes pour attaquer les imams d'Ahl-Sunnah et les imams de l'Islam. Parmi les savants qui sont connus comme étant des gens qui appellent à la Sunnah, que ce soit dans le temps présent ou dans le temps passé. À cause d'une erreur qui est venue de leur part, alors qu'ils avaient fait cette erreur-là, par ijtihad, hein, et donc ils ne considèrent pas qu'ils méritent une récompense, et ils ne calculent pas leur récompense. Et le Cheikh il dit, l'imam al-Zahabi, il a dit, nous aimons la Sunna et les gens de la Sunna, et nous aimons le savant pour qu'est-ce qu'il a en lui de ittiba', c'est-à-dire le fait qu'il suit la Sunna. Selon la force avec laquelle il suit la Sunna, ben c'est ça la force à laquelle nous l'aimons. Et nous l'aimons également selon ses caractéristiques qui sont louables, hein. Et on aime ce qu'il a de bien, hein, ce qui est en accord avec la Sunna, et qu'est-ce qu'il a comme bid'a, on ne l'aime pas. Le Cheikh il dit qu'est-ce qu'il a innové à cause d'un ta'wil, à cause d'une fausse interprétation ou d'une erreur qu'il a faite dans son interprétation, on ne l'aime pas. Mais on considère dans ce cas-là la quantité de bonnes actions qu'il a fait. D'accord? Donc, les questions qui ont rapport avec, parce que vous savez que les sururi, ils ont une règle qu'ils ont établie, c'est al-muwazanat, pardon. Al-muwazanat, c'est-à-dire, ils disent que quand on parle des gens, il faut mentionner le bien et le mal qu'ils ont. Et ils ont dit que c'est obligatoire de faire ça. Toutefois, les ulama, ils ont expliqué que ça dépend dans quel contexte. Si c'est dans le contexte où on est en train de faire une biographie de cette personne, hein, on peut mentionner le bien qu'il a et le mal qu'il a, il n'y a pas de problème. Toutefois, quand on est en train de parler du contexte de la réfutation, alors là, dans ce cas-là, c'est pas le moment de mentionner ses qualités et de commencer à le glorifier, mais on se limite uniquement à mentionner les problèmes qu'il a et les erreurs qu'il a à ce sujet-là. Donc ça, c'est un point à ce sujet-là. Puis aussi, il faut comprendre que ça, c'est là, le chef, il est en train d'expliquer que le fait qu'un savant de Ahl-Sunnah wal-Jama'a ait fait une ijtihad dans laquelle il s'est trompé, il faut pas le détester puis le rejeter comme si il était un mubtadi' ou un égaré, hein, parce que il n'a pas fait cette erreur là volontairement, puis il n'a pas opposé la vérité par orgueil et fierté ou arrogance ou ainsi de suite, ou par rejet de qu'est-ce qui est mentionné dans la Sunna, mais il a fait cette erreur là uniquement parce qu'il s'est trompé dans sa compréhension ou dans son interprétation, ou ainsi de suite, des choses de ce genre. Donc, dans ce cas-là, il avait fait un effort pour atteindre la vérité, mais malheureusement, il n'a pas réussi à atteindre cette vérité-là. Et donc, c'est pour ça que le chef, il dit, dans ce cas-là, on prend en considération tout le bien qu'il a fait, et on ne va pas le rejeter complètement à cause de cette erreur-là qu'il a fait. Hein? Ensuite, le chef, il dit, وقال ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. Donc le Cheikh il dit, si on devait, pour chaque personne qui fait une erreur dans son ijtihad, alors qu'il a une bonne foi, hein, qu'il a une foi correcte, hein, et qu'il a fait l'effort pour suivre la vérité, hein, si à chaque fois qu'une personne comme ça fait une erreur dans son ijtihad, on le rejette et on le déclare comme étant un mubtadi', alors dans ce cas-là, il y aurait peu d'entre les imams qui pourraient être épargnés, hein, parmi les imams. Il y en a peu qui pourraient être épargnés de ce genre de choses. Donc, c'est pour dire que c'est pas l'attitude à prendre de commencer à déclarer comme mubtadi' et égaré toute personne, alors qu'on voit que c'est quelqu'un qui a une bonne foi et qu'il cherche la vérité, qui suit la vérité, en général, sauf qu'il a fait une ijtihad dans un sujet et il s'est trompé. Hein, donc il faut faire une différence et bien comprendre ce point-là. Après le cheikh il dit, wa qala aydan, la'alla Allah ya'zuru amthalahu mimman talabbasa bi bid'atin yuridu biha ta'zim al-bari wa tanzihihi wa bathli was'ihi wa Allah hakamun adlun latifun bi'ibadihi la yus'alu amma yaf'alu thumma innal kabira من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه Donc ici c'est une autre citation de l'imam al-Zahabi à propos de la biographie de Qatada, le tarjama de Qatada dans Sir A'lam al-Nubala. Il dit et donc il est probable que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à des gens comme lui parmi ceux qui ont été trompés par une bid'ah alors qu'ils voulaient en fait arriver à exalter Allah subhanahu wa ta'ala et écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala toute imperfection et faire un effort à dans ce sens-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est sage et il est juste. Et il est doux envers ses serviteurs, et il n'est pas questionné pour qu'est-ce qu'il fait. Puis ensuite, le chef il dit, puis ensuite, le grand parmi les imams dans la science, lorsqu'on voit qu'il a beaucoup de positions qui sont correctes, et qu'on sait de lui qu'il fait des efforts pour choisir uniquement la vérité, et trouver uniquement la vérité, et que sa science elle est grande et on a vu son intelligence et il est connu pour sa piété et le fait qu'il s'écarte des choses qui sont douteuses ainsi de suite et comment il suit la sunna, donc des gens comme ça ils sont pardonnés pour leurs erreurs et leurs fautes quand ils ont fait quand ils sont tombés dans une question et qu'ils ont fait une erreur. On ne les déclare pas égarés à cause de ça. On ne va pas les déclarer égarés puis les rejeter et oublier complètement les bonnes choses qu'il fait. Mais bien entendu, on ne va pas le prendre comme guide ou comme exemple dans sa bid'a et dans son erreur. Donc dans l'erreur, ça, l'erreur c'est son erreur, mais on ne va pas le suivre là-dedans. Et on espère pour lui la repentance de cette erreur-là. Donc ça c'est c'est à ce point-là. Après le cheikh dit, وقال ابن القيم من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره. الشيخ المعصم لقاعد الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة il dit parmi les fondements de la charia et de la sagesse aussi, c'est que celui qui a beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de biens, et qu'elles sont très grandes, et qu'il a eu un bon impact dans l'islam, et qu'il a fait du bien pour l'islam et les musulmans, eh bien, on peut accepter de lui des fautes qu'on n'accepterait pas de d'autres que lui. Et il peut être pardonné pour des fautes que autres que lui ne seraient pas pardonnés. C'est-à-dire, donc ça, le cheikh Ibrahim al-Rahimi, il a fait une cassette justement dans laquelle il parle de cette question-là. Et il détaille vraiment bien ce sujet-là, il explique vraiment bien cette question-là, mashallah. Donc, ce serait une bonne chose d'y retourner. Malheureusement, je l'ai. Bon, Inch'Allah, si je la retrouve, je la mettrai sur le groupe, sur Internet, pour que vous puissiez la télécharger. C'est en arabe. Mais quand même, c'est très intéressant. Puis, il explique vraiment ce point-là. C'est qu'il y a certaines personnes qui vont faire une erreur dans l'islam, dans le sujet quelconque, à cause d'une ijtihad, puis qu'il va se tromper. Et lui, il va être pardonné, et il va être excusé pour cette erreur-là. Tandis qu'une autre personne va faire la même exacte erreur, et on ne va pas le traiter de la même manière, et on ne va pas l'excuser de la même façon. Pourquoi? Parce que les deux sont pas l'erreur qu'ils ont fait n'est pas considérée ou vue de la même façon, parce qu'ils n'ont pas le même niveau de science, et aussi parce qu'ils n'ont pas la même faveur par rapport à l'islam et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'islam pour l'islam et les musulmans. Donc le cheikh, il explique tout ça en détail bien comme il faut. Là maintenant, j'essaie de vous faire un petit résumé. C'est deux cassettes en fait qu'il avait faites là-dessus, donc c'est beaucoup plus long que ça, mais j'essaie de vous donner le principe. C'est comme qu'est-ce que le cheikh Ibn al-Qayyim vient juste d'expliquer dans cette citation-là. Ensuite il dit, وَقَالَ سَهْلْ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتُرِي لَا يَزَالُ النَّاسِ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُ السُّلْطَانِ وَالْعُلَمَاءِ فَإِنْ عَظَمُوا هَذَيْنِ أَصْلَحَ اللَّهُ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ وَإِنْ اسْتَخَفُّوا بِهَذَيْنِ أَفْسَدُوا دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ. Ça c'est une parole qui est rapportée d'un des savants qui s'appelle Sahl ibn Abdillah al-Tusturi. Il dit, cet imam, il dit, et les hommes sont toujours dans le bien, tant qu'ils ont du respect pour leurs dirigeants et pour leurs savants. S'ils respectent ces deux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va réformer et corriger leur dunya et leur akhira. Et leur dunya, leur vie d'ici-bas et leur vie de l'au-delà. Mais s'ils dénigrent et ils rabaissent ces deux choses-là, eh bien, ils vont corrompre leur dunya et leur akhira. Ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de Abdullah ibn al-Mubarak. Le cheikh dit, وقال عبد الله بن المبارك صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء. Donc l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un des imams parmi les imams des salaf, il dit, il y a deux catégories de personnes. Si eux ils sont réformés et ils sont bons, alors les gens seront bons. Et s'ils sont corrompus, alors les hommes seront corrompus. Et on lui a demandé, qui sont-ils? Et il a répondu, ce sont les rois et les dirigeants. Ça c'est cette parole qui est apportée par l'imam Ibn al-Qayyim dans I'lam al-Muqqi'in an Rabbil Alamin. Le cheikh il dit, le cheikh Hassan ibn Qasim al-Laymi, il dit, قلتو هذا المنهج في التعامل مع العلماء الذين ناصروا السنة وبذلوا أغلى ما عندهم في نشر الدين هو ما عليه علماؤنا في الوقت الحاضر. Le cheikh il dit, cette méthode, cette voie d'agir avec nos savants qui ont donné la victoire à la sunna, qui ont défendu la sunna et qui ont fait tout ce qu'ils avaient, qui ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour propager cette religion-là, c'est ce sur quoi se tenait, ou c'est sur quoi se tiennent tous les savants, nos savants aujourd'hui, à l'époque actuelle. Ça, c'est leur méthodologie à eux, d'agir de cette façon-là. Ensuite, le cheikh dit, وَقَدْ سُئِلَتْ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ فَقَالَ السَّائِلُ ما هو موقفنا من العلماء الذين أولوا في الصفات مثل ابن حجر والنووي وابن الجوزي وغيرهم هل نعتبرهم من أئمة أهل السنة والجماعة أم ماذا وهل نقول إنهم أخطأوا في تأويلات أم كانوا ضالين في ذلك. le cheikh il dit qu'on a posé la question au comité permanent de recherche scientifique et de fatwa en Arabie Saoudite. On leur a posé la question, quelle est notre position quelle est notre position par rapport aux savants qui ont déformé ou qui ont fait le ta'wil de certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple le savant Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi et l'imam Ibn al-Jawzi et d'autres également. Est-ce qu'on les considère comme étant des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a ou quoi? Et est-ce qu'on dit à leur sujet ils ont fait des erreurs dans leurs interprétations ou dans leur ta'wil, ou bien on dit qu'ils sont égarés dans ce sujet-là? Le comité permanent de fatwa ont répondu par la réponse suivante. موقفنا من أبي بكر الباقلاني والبيهقي وأبي الفرج بن الجوزي وأبي زكريا النووي وابن حجر وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى أو فوضوا في أصل معناها أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأئمة السنة رحمهم الله سواء أول الصفات الذاتية وصفات الأفعال أم بعض ذلك. للشيخ يكسبليك أو بيان للشيوخ qui ont signé cette fatwa ils ont et ils ont expliqué que notre position au sujet de Abi Bakr al-Baqilani et al-Bayhaqi et Abi al-Faraj ibn al-Jawzi et Abu Zakariya al-Nawawi, de même que Ibn Hajar al-Asqalani et les savants comme eux, d'autres savants comme eux également, parmi ceux qui ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ça veut dire ils n'ont pas affirmé à la base le sens de ces attributs-là. Ils ont dit on ne connaît pas le sens de ces attributs-là. Alors, à notre point de vue, ou selon nous, ce sont parmi les grands savants des musulmans par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait beaucoup de bien pour la Ummah à cause de leur science. Et donc, que la miséricorde d'Allah soit sur eux. d'une grande miséricorde et que Allah les récompense d'une meilleure récompense. Et ils sont parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet des choses dans lesquelles ils ont été en accord avec les Sahaba, tandis que les imams des Salaf des trois premiers siècles, ils sont parmi les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a dans les choses dans lesquelles ils ont été en accord avec les Sahaba et les imams des trois premiers siècles préférés au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils témoignaient qu'ils étaient dans le bien. Toutefois, on dit qu'ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont dans l'erreur lorsqu'ils contredisent la voix des salafs de cette umma ainsi que les imams de la sunna. Donc, peu importe qu'ils aient déformé les attributs de l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien les attributs de ses actions, ou bien d'autres attributs de ce genre. Et peu importe qu'ils ont déformé le sens de ces attributs-là, ou bien des autres attributs qu'on a mentionnés. Donc ils sont dans l'erreur pour avoir fait ça. Toutefois, à la base, ce sont des imams d'Ahl-Sunnah. Ensuite, le cheikh dit « وَسُئِلَتِ اللَّجْنَةِ الدَّائِمَ أَيْضًا فَقَالَ السَّائِلْ مَا هُوَ الْكُفْرُ فِي الصِّفَاتِ هَلْ هُنَا فَرْقٌ بَيْنَ الْعَلْمَ الْمُعَانِدِ وَالْمُتَأَوُّلِ فِي ذَلِكِ » On a posé la question encore une fois au comité de fatwa au sujet du kuf dans les attributs d'Allah. On a posé la question, qu'est-ce que le kuf au sujet des attributs? Est-ce qu'il y a une différence entre le savant qui s'oppose carrément à l'affirmation des attributs ou bien celui qui fait des fausses interprétations? Ou bien qui fait qui interprète les attributs. Le cheikh il répond la fatwa, on voit la réponse suivante dans cette fatwa, c'est awwalan al-kufr fi sifat Allah ta'ala huwa inkaru ma 'ulima thubutuhu minha ba'da al-balagh aw al-ilhad fihi bi tahrifihi 'an al-maqsud bidun shubhatin yu'zaru bimithliha. Thaniyan man khalafa al-haqq في ذلك عمادا بعد البيان وإقامة الحجة فهو كافر غير معذور ومن خالف في ذلك متأولا لشبهة يعذر بمثلها فهو مخطئ معذور يؤجر على اجتهاده. الشيخ يقول que la réponse au sujet de qu'est-ce qui est kuf au sujet des attributs c'est quoi la différence entre le savant qui s'oppose à la vérité et celui qui fait une erreur d'interprétation. Premièrement, c'est que le kufr au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le fait de nier ce qui est connu et qui est affirmé par les textes des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala une fois que ces textes-là ont été transmis, ou bien le fait de nier c'est le fait de déformer ou de nier ces attributs-là en les déformant de leur sens voulu, sans aucune shubha qui mérite qu'on excuse, par laquelle la personne mérite d'être excusée. C'est-à-dire quelqu'un qui a déformé le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans excuse valable. Sans qu'il ait une excuse valable à cause d'une shubha qu'il aurait au sujet de ces attributs-là, par exemple. Et deuxièmement, celui qui s'oppose à la vérité, par orgueil, par opposition, après qu'on ait clarifié, on lui ait clarifié la vérité et qu'on ait établi la preuve contre lui, alors celui-là, il est mécréant, il est kafir, il n'est pas excusé dans ce cas-là. Et celui qui s'oppose à ça à cause d'une mauvaise interprétation qu'il a fait à cause d'une shubha ou quelque chose qui lui a pas été clair, il a trouvé quelque chose de douteux et il a interprété les choses d'une façon incorrecte à cause de cette shubha, dans ce cas-là, il est dans l'erreur. Celui-là, c'est une personne qui a commis une erreur et il est excusé. Et il sera récompensé pour son effort et son ijtihad. D'accord? Donc, il faut distinguer entre ces deux catégories de personnes-là. Et on a demandé au Cheikh Mohammed Ibn Uthaymeen au sujet de l'imam al-Nawawi et des autres parmi ces imams-là qui ont fait des erreurs dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh il dit Wassou et le Cheikh Ibn Uthaymeen حول الحافظين النووي وابن حجر فقال إن الشيخين الحافظين النووي وابن حجر لهما قدم صدق ونفع كبير في الأمة ولئن وقع منهما خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات إنه لمغمور بما لهما من الفضائل والمنافع الجمة ولا نظن أن ما وقع منهما إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ ولو في رأيهما وأرجو الله أن يكون من الخطأ المغفور وأن يكون ما قدماه من الخير والنفع من السعي المشكور. وأن يصدق عليهما قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والذي نرى أنهما من أهل السنة والجماعة ويشهد لذلك خدمتهما لخدمتهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهما على تنقيتها مما ينسب إليها من الشوائب وعلى تحقيق ما دلت عليه من أحكام، ولكنهما خالفا في آيات الصفات وأحاديثها أو بعد ذلك عن جادة أهل السنة وعن اجتهاد أو بعد ذلك عن جادة أهل السنة عن اجتهاد أخطأ فيه، فنرجو الله تعالى أن يعاملهما بعفوه. ثم قال: وأما الفرق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية فلا أعلم أصلا للتفريق بين الخطأ في الأمور العلمية والعملية إلى آخر كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh il explique dans ce passage là que l'imam Ibn Uthaymeen il a dit رحمه الله au sujet des deux savants An-Nawawi et Ibn Hajar, que ces deux savants là, l'imam An-Nawawi et l'imam Ibn Hajar, sont deux savants qui ont ramené beaucoup de bien dans la Ummah islamique, et que yani, même s'ils ont fait quelques erreurs dans l'interprétation de certaines des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est couvert par tous les bienfaits, tous les mérites qu'ils ont dans l'islam, et on ne pense d'eux rien d'autre que ça s'est arrivé par une erreur dans l'ijtihad et qu'ils avaient une interprétation yani, qu'ils pensaient être valable pour leur opinion. Et il dit: je souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala va considérer ça de leur part comme une erreur qui va être pardonnée, et que tout ce qu'ils ont fait de bien et de bon pour la Ummah et d'effort, ça va être récompensé pour eux, et que Allah subhanahu wa ta'ala applique sur eux sa parole lorsqu'il dit dans le verset 114 dans Surat Hud que les bonnes œuvres font partir les mauvaises ou effacent les mauvaises. Donc il dit: je considère que, ou je vois que ces deux-là font partie des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, et leur façon d'avoir servi la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam est témoin en leur faveur pour ça. Et on a vu comment, à quel point ils étaient qu'ils faisaient beaucoup d'efforts, qu'ils avaient un grand désir de purifier la Sunna de tout ce qui était attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam faussement, et de nettoyer la Sunna de tout ce qui était incorrect, et de vérifier tout ce qui avait été mentionné comme règle dans l'islam. Donc tout ça, ce qu'ils ont fait comme tahqiq et comme effort pour défendre la Sunna, il n'y a pas de doute que ça c'est témoin en leur faveur, que c'était des gens qui aimaient la Sunna. Toutefois, ils ont contredit, ils ont fait des erreurs dans les questions des versets qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou certaines de ces choses-là, ils ont contredit, ils n'ont pas suivi la voie claire de Ahl Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Toutefois, ils se sont trompés à cause d'une ijtihad dans laquelle ils se sont trompés dans ces sujets-là, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala va les traiter avec miséricorde et compassion. Ensuite, le Cheikh dit: en ce qui concerne la distinction au sujet des erreurs dans les affaires qui ont rapport avec les choses scientifiques ou les choses de la pratique, il dit: je ne connais aucun principe, aucune base pour faire une distinction entre ces deux types d'erreurs-là. Et le Cheikh il dit ça, c'est ensuite le Cheikh il continue, il parle d'autres choses, mais le point qu'il a voulu mentionner dans ce passage-là, c'est le plus important. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Muhammad, Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah. Il dit, Al-Hafid ibn Hajar, wa al-Nawawi wa al-Dhahabi wa al-Bayhaqi ahyanan, wa l'imam al-Shawkani, wa ghayri dhalika min al-A'imma, al-Ladhina khadamu al-Kitab wa al-Sunna, waqa'u fi ba'd al-Ta'wilat, waqa'u fi ba'd al-Ta'wilat nusus al-Sifat. في أمثال هؤلاء يقول شيخ الإسلام إذا كان الله يقبل عذر من يجهل تحريم الخمر وربما وجوب الصلاة لكونه عاش بعيدا عن العلم وأهله فهو لم يطلب العلم ولم يطلب الهدى ولم يجتهد فيكون الله يعفو ويسمح فيقبل عذر من اجتهد ليعلم الخير فيقبل عذر من اجتهد ليعلم الخير وليعلم الهدى وبذل كل جهده في ذلك ولكن لم يدرك كل الإدراك فوقع في أخطاء إما في باب الأسماء والصفات أو في باب العبادة أخطاء دون أن اجتهد ليعلم الحق أخطأ بعد أن اجتهد ليعلم الحق يقول شيخ الإسلام أمثال هؤلاء أحق بالعفو والسماح والرحمة والسماح أو كما قال رحمه الله الشيخ الذي محمد أمان الجامي رحمه الله الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله إلى ذي كأنسكي كونسام الحافظ بن حجر الإمام النووي l'imam al-Zahabi, l'imam al-Bayhaqi des fois, et l'imam al-Shawkani également, et d'autres parmi les imams qui ont défendu et servi le Coran et la Sunna, et qui ont fait parfois certaines erreurs et certaines fausses interprétations dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ces gens-là, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à leur sujet que si Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'excuse de celui qui ne connaissait pas l'interdiction de l'alcool, ou même parfois qui ignorait l'obligation de la salat, parce qu'il a vécu loin de la science et des hommes de science de l'islam, et qui n'a pas cherché la science, il n'a pas cherché la guidance, il n'a pas fait d'effort. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié et pardonne quelqu'un comme ça, et qu'il accepte son excuse, alors dans ce cas-là, c'est encore plus important, ou c'est encore plus probable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte l'excuse de celui qui a fait un effort pour chercher la science et pour chercher la guidance, et qui a fait tous ses efforts pour arriver à ça, mais il n'a pas réussi à comprendre avoir toute la bonne compréhension qu'il fallait, et il est tombé à cause de ça dans certaines erreurs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien dans les questions de l'adoration, il a fait quelques erreurs, hein, et donc tout ça après avoir fait l'effort pour avoir compris et connu la vérité, Cheikh l'Islam il dit au sujet de ces gens-là qu'ils méritent plus qu'on leur fasse preuve de compassion, de miséricorde et de les excuser. Ou bien comme le Cheikh Ibn Taymiyyah a dit. Et ça c'est tiré d'une des cassettes que le Cheikh Mohammed Aman a fait en réponse aux questions des gens du Koweït en 1415. Ensuite, le Cheikh il mentionne une autre citation de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Il dit « Wa qala Cheikhuna Aydan » كل من نفى صفة ثابتة في الكتاب والسنة عالما بالنص فاهما له سالما من الشبهة مؤثرا مألوفه من آراء الرجال وغيرها مستخفا بالنص وغير مقدر له فقد كفر كفرا ناقلا عن الملة أما من نفى الصفات وهو على خلاف ما وصفناه فهو معذور إن شاء الله لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والله أعلم. Donc le cheikh il dit que Muhammad Aman rahimahullah, il a dit toute personne qui nie une attribut qui est affirmée dans le Coran et dans la Sunna et qui connaît les textes et qui comprend les textes et qui n'a pas de shubha et qui préfère suivre ce qu'il a connu, les opinions des hommes hein, et d'autres opinions, en rabaissant le texte, en rabaissant le texte et en n'ayant aucun respect pour le texte, alors dans ce cas-là, celui-là, il a fait, s'il a fait ça, il a commis un acte de kufr qui le fait sortir de la religion. Mais s'il a nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'est pas tel qu'on l'a décrit dans la description précédente, il contredit la description précédente, alors dans ce cas-là, il a fait une erreur, il est excusé, inshallah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on ne met pas sur une âme un poids qu'elle ne peut pas porter. Hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il ne met pas sur une âme un poids qu'elle n'est pas capable de porter. Et il mentionne également dans Surat al-Baqarah, le verset 276, « Ô notre Seigneur, nous ne prenons pas pour compte pour les choses qu'on a oubliées ou les choses qu'on a fait par erreur. » Hein. Donc ça c'est un verset qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne nos oublis et nos erreurs. Et donc ça c'est une autre citation. Ensuite il mentionne les paroles de Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah, il dit « Man kana indahu akhta ijtihadiyya ta'awwala fiha kabn hajar wal nawawi wa ma qad yaqa'u minhuma min ta'wili ba'd as-sifat la yuhkamu alayhi bi annahu mubtadi' walakin yuqal هذا الذي حصل منهما خطأ ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم. لشيخ الزي أسسجلا celui qui a des erreurs d'ijtihad dans ses interprétations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple Ibn Hajar et l'imam al-Nawawi et d'autres personnes qui, parmi ces deux imams, autres que ces deux imams-là, qui peuvent avoir fait des erreurs d'interprétation au sujet des attributs, on ne doit pas juger à leur sujet qu'ils sont des innovateurs, mais plutôt on dit à leur sujet que ces choses-là sont arrivées à cause d'une erreur et on espère et on souhaite pour eux le pardon pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien et pour le service qu'ils ont donné à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont deux grands imams respectables et en qui on fait confiance on les considère, ils sont considérés comme étant des hommes de confiance par les savants de l'islam, donc ils sont reconnus comme étant des savants. Ensuite, le cheikh il mentionne deux vers. Il dit « لقد أحسن من قال إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع » Il dit « Lorsque quelqu'un de bien nous rencontre, il dit « Lorsque quelqu'un de bien vient vers nous avec un péché, toutes ses bonnes actions viennent intercéder en sa faveur. » Donc, en fait, dans le verset, ces bonnes actions viennent avec 1000 intercesseurs, en voulant dire que, lorsque quelqu'un de bien-aimé qui fait une faute ou un péché, ses bonnes actions effacent, le mal qu'il a pu faire ou l'erreur qu'il a pu faire. Et il mentionne un autre vers aussi qui dit, من ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلا أن تعد ma'ayibuhu. Ça veut dire, il n'y a personne que tu peux, dont tu vas être satisfait de tout ce qu'il a fait ou de tout ce qui vient de lui. Et il est suffisant pour quelqu'un comme noblesse que tu puisses être capable de compter ses fautes. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'est arrivé au point où tu es capable de compter ses fautes avec lui, ça veut dire que ça c'est suffisant comme pour dire que cette personne-là, elle est noble, parce que habituellement, les hommes ont beaucoup de mal, hein, plus que de bien, et donc on ne peut pas compter le mal qu'ils ont puisqu'ils en ont beaucoup. Mais quand quelqu'un est capable de les calculer, les fautes qu'il a, eh bien ça c'est déjà quelque chose qui montre leur importance. Et en particulier quand on parle des ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Ensuite, le Cheikh il dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك ما يجر إلى سلبهم والثاني النصيحة لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وإبانة ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى ولا منافاة إن شاء الله بين القسمين لمن شرح الله صدره وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين رجل جاهل بمقادير ومعاذيرهم ورجل جاهل بالشريعة وأصول الأحكام. Le Cheikh dit que l'imam Ibn Taymiyyah, il dit que l'islam ne peut être complet ou parfait excepté par deux choses. La première chose, c'est de connaître le mérite des imams et de connaître leurs droits et de connaître leur degré et leur respect, hein, et tout ce que et de laisser tomber tout ce qui peut les dénigrer ou les rabaisser. Et deuxièmement, le fait de donner la nasiha à Allah subhanahu wa ta'ala, à son livre, à son messager, et aux imams des musulmans, et aux musulmans en général, aux dirigeants des musulmans, aux musulmans en général, et la clarification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé parmi les clarifications et les preuves évidentes et la guidance, et il n'y a pas de contradiction, inshallah, entre ces deux points-là qu'on a mentionnés. Pour celui pour qui Allah a ouvert le cœur. Mais c'est uniquement, ce point-là est uniquement difficile pour deux genres de personnes. Hein, de réunir ces deux points-là qu'on a mentionnés, de respecter, de connaître le mérite des imams et de donner la nasiha, ça c'est uniquement difficile pour deux types de personnes. La première personne, c'est une personne qui est ignorante du respect qu'on doit donner aux savants et des excuses qu'ils ont, et ou bien une autre personne, c'est une personne qui est ignorante de la charia et des fondements, des règles de la charia. Donc ça c'est important à comprendre. Ensuite le chef de Qultu, فالواجب اتباع هذا المنهج القويم ففيه بيان ففيه بإذن الله العلم والحكمة والسلامة وهو ما أوصى به سلفنا الصالح. Donc ça veut dire, pour rajouter un petit détail par rapport aux paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans ce passage-là, c'est pour faire comprendre en réalité que on doit respecter nos imams et nos savants, les savants de l'islam. Et quand ils font des erreurs, eh bien, bien entendu, ils sont excusés pour leurs erreurs parce qu'ils ont fait des erreurs par ijtihad. Toutefois, ça ne veut pas dire que parce qu'on les respecte et parce qu'on les aime et parce qu'on a un respect pour eux, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre leurs erreurs, et ça ne veut pas dire non plus qu'on doit se taire par rapport à leurs erreurs. Non, on doit clarifier ces erreurs-là et mentionner dans le Coran et la Sunna les preuves qui qui clarifie ces erreurs-là pour montrer aux musulmans la vérité et le faux, pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai, pour qu'ils puissent éviter de tomber dans les erreurs de ce savant-là. Donc ça veut dire que le fait qu'on respecte nos savants et nos imams et qu'on connaisse leur mérite, ça ne veut pas dire que on doit complètement laisser tout ce que les imams ont, ces imams-là ont fait, même s'ils ont fait des erreurs, on n'en parle pas. Non, ça ne veut pas dire ça. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit dans ce point-là qu'il faut connaître deux choses, c'est-à-dire de connaître le mérite qu'ont les imams de l'islam et en même temps leur donner la nasiha. Ça veut dire corriger et répondre à ces erreurs-là et réfuter ces erreurs-là si c'est nécessaire pour éviter justement que les gens tombent dans leurs erreurs. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là dans l'islam. Toutefois, chez les gens ignorants, comme Cheikh Ibn Taymiyyah le dit, les gens ignorants de la charia ou les gens ignorants des mérites et des excuses qu'ont les savants de l'islam, ils pensent qu'entre les deux, il y a une contradiction. Et donc, quand ils entendent par exemple des musulmans qui vont mentionner les erreurs de certains savants et répondre à ces erreurs-là, ils disent « Ah, vous n'avez pas de respect pour les savants et vous manquez de respect », ainsi de suite, et ils ne comprennent pas en fait que le but c'est juste de clarifier la vérité avec respect, avec les bonnes paroles, les bonnes manières. Hein? Donc ça c'est pour comprendre. Et ça c'est un point que les Hadadiyya n'ont pas compris, puisque eux, ils réfutent les savants qui ont fait des erreurs avec par ijtihad, comme si c'était des innovateurs ou des égarés. Et donc là, dans ce cas-là, c'est un problème. Et le chef, il dit donc que c'est obligatoire de suivre ce manhaj qui a été expliqué par les citations qu'on a citées là maintenant, de suivre ce manhaj-là, parce que, Inch'Allah, dans ce manhaj, dans cette voie, il y a, Inch'Allah, la science, la sagesse, et il y a tout ce qui peut nous sauver et nous épargner de ce qui est mauvais. Et c'est ça ce que les salafs de notre Umma nous ont enjoint de suivre, nous ont conseillé de suivre ça. Donc il cite quelques citations des salafs à ce sujet-là. Il dit قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Donc Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, il a dit suivez la sunna et ne faites pas de bid'ah, car ce que vous avez est suffisant pour vous. Et ensuite, l'imam al-Barbahari, le cheikh il cite les paroles de l'imam al-Barbahari qui dit « فالله الله في نفسك وعليك بالآثار وأصحاب الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد » يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ومن قبلنا لم يدعونا في لبس فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. Donc dans cette citation, l'imam al-Barbahari, il dit, par Allah, comme si en voulant dire, je t'incite à craindre Allah en toi-même, et je t'incite également à suivre les narrations et les hadiths et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et les gens qui ont suivi la voie, et les traces des salaf, et de faire le taqlid dans le sens, pas dans le sens de suivre aveuglément les gens. Le taqlid ici, comme le cheikh il en parle, c'est dans le sens de suivre la sunna et de s'accrocher à la sunna. Donc, on doit suivre la seule chose qu'on a le droit de suivre aveuglément, c'est la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le Coran et la voix des salaf salih. Donc c'est pour ça qu'il utilise le terme taqlid, mais pas dans le sens de taqlid comme certaines personnes qui suivent des savants ou des individus en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam aveuglément, donc il faut juste comprendre, comme le cheikh il le dit en bas de page ici, مراد المؤلف من التقليد الاتباع والاقتداء, comme il l'a expliqué après. Qu'est-ce qu'il veut dire par التقليد ici? C'est pas التقليد, mais c'est plutôt de s'accrocher à la sunna et de suivre la sunna. Donc il dit que la religion c'est uniquement التقليد, c'est-à-dire de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, hein, comme c'est ça il a expliqué justement, c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, que la satisfaction d'Allah soit sur eux tous. Et ceux qui étaient là avant nous, ils n'ont pas laissé rien pour yani ils n'ont rien laissé de qu'est-ce qui n'était pas clair, donc suis-les et sois en paix en les suivant, et ne dépasse pas qu'est-ce qui a été rapporté, et ne dépasse pas les gens qui suivent les traces des salafs, hein. Donc limite-toi à qu'est-ce qui est rapporté de ces salafs. Ensuite, le cheikh il mentionne une autre citation de l'imam al-Barbahari, il dit « وَقَالَ فَنْظُرْ رَحِمَكَ اللَّهِ كُلَّ مَنْ سَمِعْتَ كَلَامَهُ مِنْ أَهْلِ زَمَانِكَ خَاصَّةً فَلَا تَعْجَلَنَّ وَلَا تَدْخُلَنَّ فِي شَيْءٍ منه حتى تنظر وتسأل هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء, فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. Donc ici le cheikh il donne une autre citation de l'imam al-Barbahari qui nous donne un principe à suivre ou une règle à suivre si on veut Inch'Allah, être guidé et être épargné de l'égarement. Donc, il dit ici, il dit, regarde, que Allah te fasse miséricorde, et tout le monde que tu entends parler, hein, tous les gens dont tu entends leur parole, dont tu entends la parole, parmi les gens de ton époque en particulier, ne te précipite pas, hein, et n'entre dans rien de ce qu'il te dit, jusqu'à temps que tu aies bien regardé comme il faut, et que tu aies demandé, est-ce que ce qu'il dit a été mentionné par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par un parmi les ulama, et si tu trouves à ce sujet-là un hadith ou quelque chose qui a été mentionné au sujet de ces paroles, alors accroche-toi à ça, et ne le dépasse pas pour quoi que ce soit, et ne choisis rien par-dessus cette chose-là, parce que sinon tu risques de tomber dans le feu. إيه أنصت لشيخ إذ قلت فهذه النصوص تبين المنهج السوي في التعامل مع الأخطاء الصادرة عن أئمة الدين الذين نافحوا عنهم وحموا حوزته ومن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, فالواجب هو لزوم طريقتهم في ذلك مع الاستغفار لميتهم ومناصحة حيهم. Donc ici le cheikh il dit, donc ça c'est des textes, hein, qui nous clarifient la méthode droite à suivre dans la façon d'agir envers les erreurs qui arrivent de la part de nos imams dans la religion, ceux qui ont yani fait tout pour défendre cette religion là et la protéger, et purifier la religion et la nettoyer de toutes les déformations des gens qui ont exagéré ou des gens qui se sont fait passer pour qu'est-ce qu'ils ne sont pas parmi les déviateurs et les gens qui veulent égarer les gens et déformer la vérité, et les gens qui veulent interpréter de façon fausse la religion par leur ignorance, et ainsi de suite. Donc l'obligation pour nous c'est de suivre leur voie, et en demandant pardon aussi pour ceux d'entre eux parmi les ulama qui sont morts, et de donner la nasiha aux ulama parmi eux qui sont encore vivants. Donc ça c'est les paroles de ces imams là qu'on a lu aujourd'hui. Puis donc ça c'est très important de comprendre que si par exemple on voit qu'il y a des ulama d'Ahl Sunnati wal Jama'a, puis on trouve qu'ils ont passé leur vie à défendre la Sunna et à combattre les innovations et l'égarement, puis qu'on trouve de la part de ces savants-là une erreur ou un problème ou quelque chose, la méthode c'est pas comme font les gens de Bid'a aujourd'hui, ou bien les Haddadiyya, qui critiquent et attaquent les ulama, de les rabaisser, mais plutôt c'est de leur donner le nasiha, et yani, bien entendu, comme on a dit, yani, les savants, yani, à cause du bien qu'ils ont fait, Inch'Allah, ceux qui sont morts d'entre eux, et ceux qui sont vivants, comme le Cheikh a dit, ceux qui sont morts ont fait le pardon pour eux, et ceux qui sont vivants, on leur donne la nasiha. Et les ulama d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a sont parmi les savants qui acceptent le plus la vérité, et que lorsqu'on leur donne la nasiha, ils reviennent s'ils se sont trompés à la vérité. Donc, alhamdulillah. C'est juste qu'il faut avoir le respect, et il faut connaître sa limite, et il faut connaître son niveau, et pas essayer de dépasser les limites justement pour s'élever au-dessus des ulama. Donc on va s'arrêter inshallah à ce point ici. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.